toi. Je retournerai ciel et terre pour te retrouver, toi. Toi qui me tente de tes prunelles d'ambre enflammées de vie. Toi dont les hanches semblent être le berceau du monde. Toi la bouche en foire où se boit l'ivresse à grand flot. Toi, Éden vivant, à la beauté de soi, douce comme la joie. Toi, orange fascinant, qu'aucun mal ne saurait atteindre. Toi, blanche colombe, osée déployer qu'aucun vent ne saurait infléchir. Toi, dont je rêve, une fois l'espoir retrouvé. Toi, conductrice du zénith inatteignable et que chacun cherche. Toi, où mon cœur avide cherche ardemment le renouveau. Toi, à qui je suis dévoué, ton cœur et âme joint, je te souhaite mienne, amuse à la beauté surnaturelle. Toi, devant qui tant de vœux dévots se prosterne à tes pieds de reine. Toi, qui me fit phénix brasier, me donnant de la vie au souffle brûlant, me faisant renaître, et comme témoin, le monde et l'au-delà. Enfin toi, qui est nécessaire pour nourrir la joie, que nous puissions nourrir ton grand état.